Peut-être qu'un jour, peut-être qu'une heure, peut-être que, peut-être, et toi où c'est que t'es, et toi où t'es cherché, et toi où est-ce que t'es, toi où qu'est-ce que tu fais. Est-ce que t'es peut-être qu'un jour je te verrai, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour je te verrai, peut-être qu'un jour. Où est-ce que t'es bien caché. Peut-être qu'un jour je te retrouverai, toi qui es là avec moi, mais toi je ne retrouve pas, tant pis, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, et tu sages les humains. Peut-être qu'on finira comme ça, sans voir, sans voir, sans jamais avoir été, sans jamais avoir été, sans jamais avoir, sans jamais, sans jamais, sans jamais, sans jamais, sans jamais, sans jamais, rien que du passé, que du passé, que du passé, tout est passé. Tout est échoué. Tout est échoué. Jamais beau à rêver. Toujours des amorces, mais jamais, jamais attrapé. Des amorces. Des amorces, jamais attrapées. Des amorces, désamorcées. les amorces jamais attrapées.